J'ai pas vu arriver la balle dans sa tête. Je suis resté figé, fixé sur un homme que je connaissais peut-être. Ses habits trempés dans son sang transforment le mien en glace. Tire-toi, y'a plus de bon sens. On m'a dit étouffe l'amour et vive la science. Maintenant, je fais quoi moi avec un poids pareil sur la conscience. Un type me conseille de prier, alors je compatis. J'ai demandé si Dieu qui fait voir le sang couler au paradis. Tu veux savoir, aucune réponse. J'ai qu'une envie, prendre une rose sans m'enfoncer ses ronces. On cherche une espérance tous. Je vis dans un monde où la chance de réussir a le prix de l'essence gousse. Les gens me parlent, me choquent, ce drame me bloque. Une des pannes de bonheur, viens voir plus tard. Je suis en rupture de stock, moi. Pour l'instant je fume, je bois. Comme la plupart des gens qui ont des soucis, sans souci. Je vois même mieux qu'avec des lunettes parfois. Parfois, cette scène me marque. Vite fait, faut que je touche du bois. Cet homme avait peut-être rien fait, je crois qu'il était jeune. Comme ses parents, j'imagine, je peux dire que la vie est chum. Sorti de la poussette, même pas tout sexe, annule déjà l'enfance. Les jeunes sont contraires, la crête, ils veulent tous être dans la tendance. Unité, honneur et gloire, c'était ça le truc. T'entends? Ouais, j'avoue, je voulais y croire, mais j'appelle ça le bon temps. Et s'il existe, un jour, faudrait que je lui parle à Dieu. Lui dire quel manque de merde ils nous ont fait, ceux qui se tiennent par la queue. De toute façon, y'a personne qui décide à part le fric. Même pour péter la tête, faut douiller ta barre de shit. Dans beaucoup trop tête, l'espoir c'est frit-il. Cherche une solution, faudrait qu'il fasse très vite. Y'a ceux qui croient vos systèmes, formatés depuis l'enfance. Rappelle-moi vite le thème, c'est pénurie de bon sens. Si tu veux être intelligent, commence par fermer ta bouche. Parce qu'on est loin d'être sur le bon chemin, celui on serra tous la louche. Dis-leur que ça sort de la bouche, du babou en babouche. Et que c'est pas encore demain, le jour où la paix accouche, ok. Tout ce qui nous reste sur les bras, c'est nos carcasses. Devant un gosse, les épaves se mettent au garde-ave. La vie un poker et on rêve d'avoir les quatre as. Le cash ou à cash, cash, yunga, le quatre as. Tout ce qui nous reste sur les bras, c'est nos carcasses. Devant un gus, les épaves se mettent au garde-ave. La vie un poker et on rêve d'avoir les quatre as. Le cash ou à cash, cash, comme Young Alcatraz. Tu cherchais le bon sens, tu peux crier au secours ou je crèche tous sous substance. Pour éviter les secousses comme tous, depuis l'enfance on court toujours. On veut les sous et pour le reste cool, ça dit cause toujours. On joue les sourds, parce qu'à la bourre, les sourires se font rares. Mais aussi rare qu'on serre les coudes, sérieux, faut pas que tu doutes, man. Mat, ça fait un bac que les valeurs et les principes ont déposé. Poser les armes et garde la foi. Parle même au casse ta force car sans se défendre sache qu'à chaque partie on t'écarte. Et ça depuis la base. Bon sens, on le connaît hard, mais on côtoie les conséquences. À force partir des châteaux de cartes là. Tu peux crier au secours, on fait comme tous. Une touche de maquillage pour masquer les sales images, mec. Ouais c'est ça comme la vie a le visage triste. Depuis qu'on a cramé la corps, on cratère l'homme. La planète se dégrade, elle perd ses principes et sa sagesse. Y'a plus de respect pour autrui et ça m'oblige à faire des sales gestes. Paraît qu'on a plus d'ambition, on tolère plus les conditions. Paraît même que je dois me taire, même si j'ai toutes les convictions. Hors de question, certes, j'vois des qualités, mais trop de défauts. Dans ce monde, dis-moi, comment fais-tu pour discerner le vrai du faux? Les vraies valeurs se perdent, c'est la pénurie de bon sens. Du genre de type qui te rend service, mais tout dépend des circonstances. Tu donnes ton amitié et tu le considères comme ton second frère. Hypocrisie et jalousie, ça c'est les effets secondaires. Bercé par le vice, tu joues la star qui vise les palmarès. Paraît que les jeunes font plus de sport et se mettent à fumer par paresse. Y'a plus de confiance, donc c'est normal que les blêmes prenaissent. On vit dans un monde peu sincère, loin d'atteindre ses belles promesses. Tout ce qui nous reste sur les bras, c'est nos carcasses. Devant un gus, les épaves se mettent au garde-ave. La vie un poker et on rêve d'avoir les quatre as. Le cash ou à cash, cash, comme Yunga, le quatre as. Tout ce qui nous reste sur les bras, c'est nos carcasses. Devant un gus, les épaves se mettent au garde-ave. La vie un poker et on rêve d'avoir les quatre as. Le cash ou à cash, cash, comme Yunga, le quatre as. Ouais, ouais. Comme Yunga Alcatraz.